3 heures sonnaient. On est venu m'avertir qu'il était temps. Ils m'ont fait traverser leur corridor et descendre les escaliers. Ils m'ont poussé entre deux guichets du rez-de-chaussée, salle sombre, étroite, voûtée, à peine éclairée d'un jour de pluie et de brouillard. Une chaise était au milieu. Ils m'ont dit de m'asseoir. Je me suis assis. Il n'y avait près de la porte, et le long des murs, quelques personnes debout, outre le prêtre et les gendarmes. Et il y avait 3 hommes. Le premier, le plus grand, le plus vieux, était gras et avait la face rouge. Il portait une redingote et un chapeau à 3 cornes déformé. C'était lui. C'était le bourreau. Le valet de la guillotine. Les 2 autres étaient ses valets à lui. À peine assis, les 2 autres se sont approchés de moi par derrière, comme des chats. Puis tout à coup, j'ai senti un froid d'acier dans mes cheveux, et les ciseaux ont grincé à mes oreilles. Mes cheveux, coupés au hasard, tombaient par mèches sur mes épaules, et l'homme au chapeau à 3 cornes les époussetait doucement, avec sa grosse main. Autour, on parlait à voix basse. Puis tout à coup, l'un des valets m'a enlevé ma veste, et l'autre a pris mes 2 mains qui pendaient, les a ramenées derrière mon dos, et j'ai senti les nœuds d'une corde se rouler lentement autour de mes poignets rapprochés. En même temps, l'autre détachait ma cravate. Ma chemise de batiste, seul lambeau qui me resta du mois d'autrefois, l'a fait en quelque sorte hésiter un moment, puis il s'est mis à en couper le col. Alors, l'un d'eux s'est baissé et m'a lié les 2 pieds, au moyen d'une corde fine et lâche, qui ne me laissait à faire que de petits pas. Cette corde est venue se rattacher à celle de mes mains. Puis, le gros homme a jeté la veste sur mon dos et a noué les manches ensemble, sous mon menton. Ce qu'il y avait à faire là était fait.